des fleurs ont fané en juillet. Mais tu t'en fous, ouais toi, tu t'en fous de tout ça. Peut-être que les fleurs se s'ouvriront quand tu te rappelleras mon prénom. Peut-être que les fleurs s'ouvriront quand tu t'en rappelleras. Mais tu t'en fous, ouais toi, tu t'en fous de moi. Rien à branler de toi, on s'en bat les fous.